boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Les années 80 viennent d'exploser notre début de pop and rock sur RVR. Deborah Harry, coachée par Jojo Moroder, rendait encore plus sexy le Richard pourfendeur des chœurs des 80s. Ouais, mais quand on a commencé avec ça, avec quoi on enchaîne? The Strokes, vous connaissez? Oh, On est en 2006 et les Strokes hurlaient que leur cœur dans une cage, ça faisait mal. À peu près à la même époque, Franz Ferdinand chantait Dart of Pleasure. Rappelez-vous l'année 2004 de leur album éponyme Franz Ferdinand. Début des années 2000, Franz Ferdinand faisait sauter les foules par leur rock généreux, mais comme beaucoup d'autres groupes, ils se sont perdus. 2022 arrive, ils nous proposent un nouveau titre, Billy Goodbye, à vous de vous faire un petit avis parce que je vous en offre qu'un petit bout. Bye bye Billy, goodbye. When it comes to recollect, you don't forget the comme moi, vous n'êtes peut-être pas complètement convaincu, faut dire que leur premier album était si bon que on attendait beaucoup plus. Alors on essaye un deuxième extrait avec Curious. Pour être clair, je crois que j'aimerais beaucoup les deux titres qu'on vient d'écouter si Franz Ferdinand n'avait pas commis il y a une dizaine d'années des chefs-d'œuvre comme le fameux Chatting on You ou encore le Off Ash qu'on écoute tout de suite, sorti en 2004. Et les gars, faut être clair, dans Pop and Rock, on adore l'énergie de Franz Ferdinand, mais on a aussi besoin de la douceur des chansons du nouvel album de Big Thief. Allez vite écouter le tout nouvel album de Big Thief, attendez que la nuit vienne, enfilez votre casque audio préféré et appuyez sur play pour écouter Dragon New Worm Mountain, I Believe in You. Ensuite, vous serez peut-être prêt pour retrouver le chanteur des Black Angels, Alex Mas, en solo avec Shines Like the Sun. Feel it again. You are. Le monde du rock a ses stars, comme Alex Mas qu'on vient d'écouter tout de suite, on y trouve aussi ses maudits, comme le Gun Club. Les groupes perdus comme The Gates, les fous comme Seize. Et puis il y a aussi les surdoués. Voilà bien longtemps que je ne vous avais pas parlé de David Eugène Edwards, que je rêve de voir au moins une fois en live. Ce soir dans Pop & Rock, c'est le David Eugène avec un de ses anciens groupes qui arrive pour une triplette. On se fait donc tranquillement trois titres des 16 Horsepower. Thank you. I hope you've got your things together. I hope you are prepared to die. Looks like we're in for some nasty weather. One eye taken for an eye. And don't go out tonight, for it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. Don't go out tonight, for it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. Restez bien calé dans Pop and Rock avec RVR et surtout le David Eugene Edwards accompagné de ses 16 horsepower. De temps en temps, en grattant, en cherchant, on tombe sur un truc étrange dont on ne sait absolument rien et qui ne reviendra peut-être jamais. Ce soir, en fouillant dans mes dossiers numériques, j'ai trouvé un machin qui s'appelle BG, enfin ça c'est le titre, et le groupe c'est Dead Man Ray. On écoute donc ça, sans savoir si un jour on y aura droit à nouveau. Where does it come from, lightning? Calling a standing stone ball. Flagpoles up a rushing pit. Come and see. It's coming soon. And getting there. Not from the salvation of the dead. Not from the salvation of the starvation. Sans transition et sans plus d'explications, je vous envoie à présent The Poddies avec Please Return It. Please return it, please return. point, like I do in the certainty of friendships. You can ask, please return it, bring the balance back to you in returning. There's an upside, there has to be an upside. There's an upside, there has to be an upside. There's an upside, there has to be an upside. Please return it. C'était les Posies qui, depuis quelques semaines, se promènent dans nos Pop and Rock sur RVR. Vous les avez aimés ? Alors pensez à passer de temps en temps sur RVR, notamment les lundis entre 17h et 18h. Vous y retrouverez donc les Posies et peut-être aussi nos potes d'Atlanta, Manchester Orchestra, qui ce soir nous chante Choose You. Pop and Rock qui ne se promène qu'au 21e siècle ne serait pas un vrai Pop and Rock. Alors ce soir, seconde triplette, enfin j'espère qu'on aura le temps, elle sera consacrée au 20e siècle et elle commence par un album sorti en 1972, mais promis vous connaissez, le groupe c'est America. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert.

Allez, je vous le confesse, le dernier titre de ce soir date de 2003, mais il sonne tellement 70s, il clôt notre pop and rock et notre triplette made in 20e siècle. Et sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Inspiration. Oh, she barely waits a moment. Elevator doors open. Hear her footsteps touch the stairs. Words walk by, describing definition. Stop. Talk about it. Bye.